Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon père. Voici mon âme séchée vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Chère Sarah, ouvre tes bras, j'arrive. Tu penses à moi, prépare-moi. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je viens vers toi, accueille-moi, mon père. Adieu la vie, mais je bénis ma chance. La vérité, l'éternité commence. La vérité, l'éternité commence. Abraham, vous êtes un exemple pour nous tous. La confiance est votre force. C'est ce qu'il nous manquait pour découvrir la clé de la vie. Abraham, on voit à travers vous. Non mais c'est pas vrai. Il a disparu comme ça, comme un tour de magie. Oh oui, j'ai vu. J'aurais même préféré ne rien voir. Si je raconte cette histoire, on me prendra pour un fou. Et on m'enfermera dans un cachot avec des rats et des chauves-souris. Dolly, si on faisait un break, une petite pause, histoire de reprendre des forces, de grignoter quelque chose, tiens. Ah, toi aussi, hein, tu as besoin de manger. Hé, j'entends ton ventre qui fait du bruit. C'est pas moi, Flip, c'est Bubule. De quoi? Bubule a faim? Non, là, sur l'étagère. Bubule dans son bocal. Il est bizarre. Oh non, le rayon poissonnerie va pas s'y mettre. Ton poisson est grossi à vue d'œil. Mais le bocal, il va être trop petit. Dolly, attends. Bubule, qu'est-ce qui t'arrive? C'est plus un poisson rouge, c'est un poisson baleine. Oh, il est énorme. Sa queue sort par la fenêtre. Flip, regarde tout au fond de sa bouche. Il y a de la lumière. Oui, ici aussi il y a de la lumière. Et rassure-moi, tu veux tout de même pas qu'on rentre? Dedans, pour voir ce qu'il y a, bien sûr que si. Allez, suis-moi. Oh non, Dolly. Regarde, Flip, là, un homme. Je le reconnais, c'est Geppetto, le papa de Pinocchio. Allez, on s'en va. Non, ne partez pas. N'ayez pas peur. Je m'appelle Jonas. Et voilà presque 3 jours que je suis dans le ventre de ce grand poisson. 3 jours? Quelle drôle d'idée. Vous n'avez pas de maison? Si, mais c'est une punition divine. Dieu m'avait envoyé à Ninine, un petit village, pour prévenir les habitants de son mécontentement face à leur méchanceté. Mais je ne lui ai pas obéi, et je me suis enfui dans un navire. Pour me punir, Dieu a alors déchaîné la mer, et dans l'espoir de calmer cette tempête, les marins m'ont jeté par-dessus bord, et ce grand poisson m'a avalé. Maintenant, je regrette ma fuite, et je prie sans cesse en implorant le pardon de Dieu.